Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 7 avril 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le Conseil des ministres de ce mardi a reconnu que la fixation des tarifs d'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique devrait tenir compte du coût actuel de la vie. Vous entendrez les précisions du porte-parole du gouvernement dès le début de ce journal. À Rumonge, les propriétaires de parcelles proches du bureau provincial en chantier ont juste 6 mois à compter de ce mois d'avril pour les aménager de façon moderne. Notre correspondant sera en ligne pour les détails. Un local construit depuis plus de 20 ans dans le marché de bétail de Vzergua en commune Gachikanoise dans la province de Ngozi pour servir de banque n'est toujours pas fonctionnel. Les vendeurs réclament son ouverture pour la sécurité de leur argent. Et dans la chronique société, nous parlerons de l'entrepreneuriat au féminin. Voilà pour le sommaire. Rebonjour, je venais de vous le dire, la fixation des tarifs d'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique doit désormais prendre en considération les coûts actuels de la vie. C'est une observation du Conseil des ministres tenue mardi. Le secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, Prosper Nharguamié, a indiqué qu'il est temps que l'ordonnance fixant ces tarifs datant de 2008 soit révisée pour ainsi réduire les cas de contestation observés ces derniers temps. On l'écoute. Dans le cas où l'État doit recourir aux biens immeubles des particuliers pour réaliser des grands projets d'intérêt général, il procède par l'indemnisation préalable des propriétaires des terres. L'indemnité d'expropriation peut prendre la forme soit d'une indemnité pécuniaire, soit d'échange assorti, le cas échéant d'une indemnité partielle destinée à la réinstallation de l'exproprié. Le principe étant que cette indemnité doit compenser intégralement le préjudice subi par l'exproprié. Le code foncier prévoit qu'une ordonnance conjointe fixe le niveau minimal des tarifs d'indemnisation des immeubles par nature et par incorporation après avis de la Commission foncière nationale et ces tarifs doivent être régulièrement actualisés. Pour le moment, les tarifs d'indemnisation sont fixés par une ordonnance de 2008. Il a été constaté ces derniers jours que le paiement de l'indemnité pour cause d'utilité publique fait parfois objet de contestations par les personnes expropriées ou que les négociations du montant de l'indemnité durent plus longtemps que nécessaire, ce qui retarde la mise en œuvre des projets et cause un préjudice au trésor public. Au regard du temps écoulé et des changements intervenus depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, il est grand temps de procéder à son actualisation car la base de calcul et de négociation des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique sont de plus en plus devenues obsolètes. À l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres l'a adopté avec les recommandations et les observations suivantes. L'actualisation des tarifs d'indemnisation devrait prendre en considération le coût de la vie actuelle. Il faut être réaliste et précis et considérer les biens objets d'indemnisation en termes de pied. Il faut élaborer un tableau comparatif des tarifs appliqués actuellement et ceux proposés. Il faut réglementer les loyers en fixant des plafonds qui tiennent compte de l'emplacement et de la qualité de la maison à louer. Extrait du compte-rendu du Conseil des ministres qui est également revenu sur les mesures de redressement de l'ONATEL. Il a été proposé qu'il y ait une mise en place d'une équipe de représentants de la présidence de la République, de la primature et d'autres experts pour un audit de cet Office national des télécommunications. La gestion du personnel doit se baser également sur des critères permettant aux uns de rester ou d'être réaffectés ailleurs selon leurs expériences. Tandis que d'autres pourraient rentrer moyennant des indemnisations de fin de contrat. Encore une fois, Prosper Nharguamié. Dans cette perspective d'améliorer la situation de l'ONATEL, la Commission propose que les autres actions déjà inscrites dans la stratégie sectorielle du ministère de tutelle ainsi que dans le plan quinquennal de l'ONATEL soient mises en œuvre en appui à cette feuille de route. Sa mise en œuvre nécessite des financements internes et externes qui s'élèveraient à 156 088 229 244 francs bourg pour la feuille de route d'une part et 95 477 445 900 francs bourg pour les autres actions non reprises dans la feuille de route. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a constaté que l'objectif voulu par le gouvernement en formulant ses recommandations n'a pas été atteint, car la commission a travaillé en dehors du cadre tracé. Il a été recommandé ce qui suit. Mettre en place une équipe composée de représentants de la présidence de la République, de la primature et de certains autres ministères chargés d'élaborer les termes de référence pour un audit de l'ANATEL. Mettre en place une équipe d'experts indépendants locaux qui va élaborer un plan de redressement de l'ANATEL, son business plan, en partant sur le patrimoine de l'ANATEL. En termes de gestion du personnel, identifier les éléments qui peuvent rester, ceux qui peuvent être réaffectés ailleurs et ceux qui doivent être désintéressés. C'était le secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement Prosper Nahorgwami. L'accueil et la réinsertion socio-professionnelle des déplacés internes et des réfugiés. Voilà certains objectifs d'un atelier organisé ce jeudi par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au chef-lieu de la province Karoussi, une des provinces qui a connu beaucoup de déplacés suite à la crise de 1993. Le président de la CNIDH, Dr Sixte Vinyeni Mourava, l'a dit dans son discours d'ouverture du dit atelier, à l'intention des administratifs et des représentants des sites de déplacés. Je veux plutôt le président de la CNIDH, dont les propos ont été recueillis par notre envoyé spécial, Lydiga Himbare. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la protection des droits de l'homme et du projet grâce intitulé Coordination des activités de protection des droits des personnes déplacées internes. L'objectif poursuivi dans cette session est de contribuer dans les activités de la mise en application des solutions durables pour les personnes déplacées internes au Burundi. D'emblée, il sied de nous signaler que nous sommes dans cette province dont l'une des communes, précisément Chomo, a réussi à convaincre les locataires des sites de Rufuru et Roussi pour retourner volontairement à leur milieu d'origine. La CNDH a prouvé que la cohabitation est bonne entre les déplacés retournés chez eux et les communautés d'accueil. C'est une bonne pratique à partager avec les autres administrateurs et chefs des zones de Roussi et de Rouyi qui sont ici même présents et qui ont des sites de déplacés internes dans leur milieu. Leur invitation dans cette rencontre vise l'acquisition d'expériences sur les stratégies d'aborder avec Minisil, la question d'un retour volontaire de déplacés dans leur colline d'origine. Docteur Sixte Vinyeni Mourava, c'est le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro, les nouvelles des provinces, après cette courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. En délai ne dépassant pas 6 mois à compter de ce mois d'avril, il a été donné aux propriétaires des parcelles environnant le bureau provincial de Rumonge en construction pour avoir déjà commencé leur aménagement moderne. Consolateur Nitunga, gouverneur de Rumonge, qui donne cet ultimatum, explique que le nouveau bureau provincial ne peut pas être entouré de maisons abandonnées ou des broussailles. Le gouverneur de Rumonge avertit qu'après ce délai, d'autres mesures seront prises. En ligne de Rumonge, Jean-Pierre Misako. Il s'agit là des parcelles sises dans les environs du bureau provincial en construction à Rumonge qui sont concernées. Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumonge, ordonne un début d'aménagement moderne de ces parcelles et cela en ayant 6 mois, faute de quoi la loi sera consultée. Ce bureau provincial ne pouvant pas être entouré de broussailles ou encore moins de maisons abandonnées. Pour le gouverneur de Rumonge, même d'autres maisons de la ville de Rumonge doivent être modernisées, à commencer par celle du quartier centre urbain dit Swahili, pour faire de Rumonge une ville moderne. Ici, l'administration locale est appelée à faciliter la s'attache aux hommes d'affaires qui veulent investir dans le bâtiment tout en respectant la loi, précise le gouverneur de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et les colporteurs du marché de bétail de Vielgua en commune gachikanois de la province Ngozi réclament l'ouverture du local construit dans ce marché qui devait servir comme banque depuis plus de 20 ans pour la sécurité de leur argent. Jean-Bosco Chimiriman, un membre du conseil communal, en même temps responsable de ce marché, parle de revendications fondées, car le jour du marché, les commerçants se retrouvent en possession de plus de 2 milliards de francs burundais. Il déclare que la commune est toujours en attente de réaction à l'appel d'offres déjà lancé, précisant que la sécurité de ce marché est garantie. Apollinaire Monsagara. Ce marché de bétail de Vieigua, qui a été construit en 2006 par le producteur Tezimbere, soutient tous les mercredis. Dans ce marché se trouve un guichet banquier, mais qui n'a jamais ouvert ses portes. En 2013, des bandits ont tendu une embuscade aux corporateurs se trouvant dans un bus et ont volé une bagatelle d'argent, une somme heureusement qui a été récupérée après l'arrestation de ces malfaiteurs, d'où selon ces commerçants, la nécessité de l'ouverture de ce guichet pour éviter ces cas de banditisme, surtout sur le tronçon Ngozi Gachikanoa, car bon nombre de ces commerçants s'y promènent avec d'importantes sommes d'argent. Le responsable de ce marché, en même temps, membre du conseil communal Gachikanoa, épouse l'idée de ces commerçants, expliquant que tous les mercredis, ces derniers sont munis d'au moins 2 à 3 milliards de francs bou, vu le nombre de vaches, chèvres, moutons et autres qui y fréquentent. Jean-Bosco Chimirimana indique que des contacts ont été faits avec des banques, mais que la commune attend toujours celles qui se proposent pour y installer nos fiscaux en guichet tous les mercredis. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Les pannes électriques qui s'observent depuis quelques mois dans les provinces du nord du Burundi engendrent une régression dans certaines activités. La viande et le poisson qui doivent être conservés dans les frigos sont jetés, du lait versé et ceux qui utilisent des moulins et soudures et postes à souder restent bras croisés et demandent la réparation rapide des équipements tombés en panne à la régie des eaux. On dit que la question est connue et ils disent que chaque fois que la pluie tombe, des fois on observe des pannes électriques, mais ils signalent qu'ils sont toujours à l'œuvre pour que ce problème se termine. Abraham Safari. La question des coupures incessantes du courant électrique devient un problème sérieux pour la population de Kirundo. Lorsque le ciel est nuageux, des gens connaissent déjà qu'il y aura coupure de courant aussitôt que la pluie tombe. Des personnes qui utilisent des machines nécessitant du courant électrique pour conserver leurs produits, entre autres de la viande, poisson et du lait, sont obligés de tout jeter suite à ces coupures du courant. Ils disent qu'ils sont perturbés dans leurs activités et ils sont en train de travailler en perdant, surtout qu'ils exercent leurs activités dans des maisons en location. D'autres qui sont touchés par cette perturbation de courant sont ceux qui ont des moulins et machines de soudure, sans oublier des élèves qui perdent du temps au lieu d'étudier, surtout ceux qui sont dans des écoles à régime d'internat. À la régie des eaux, ils signalent que la question est déjà connue. Ils disent que des pannes s'observent généralement lorsque la pluie tombe, mais qu'ils sont toujours à l'œuvre pour éradiquer ce problème. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci. Ah bon, Safari, en bref, en actualité internationale, non au pouvoir militaire, non au gouvernement de la faim. Par milliers, les Soudanais ont manifesté mercredi dans plusieurs régions du pays. À Khartoum, un jeune manifestant a été tué par balle, selon une source médicale, portant à 94 le bilan des manifestants tués depuis le putsch du 25 octobre. Les protestataires contre le coup d'État du 25 octobre 2021 avaient choisi de manifester le 6 avril pour marquer un double anniversaire, celui de deux révoltes, 1985 et 2019, qui, à 34 ans d'écart, ont fait tomber deux présidents putschistes. En effet, le 6 avril 1985, la rue poussait l'armée à évincer le président Jafar al-Nimeiri, lui-même un officier. Le 6 avril 2019, la foule entamait en sit-in et forçait les généraux à mettre quelques jours plus tard un point final à 30 ans de dictature du général Omar el-Béchir. Et dans la chronique Société, on allait vous parler de l'entrepreneuriat des femmes. l'adhésion à des associations et des séances de sensibilisation figurant parmi les facteurs qui permettent à la femme de se développer, d'après Immaculée Nahayo, coordinatrice au sein de l'Association des femmes entrepreneurs du Burundi, AFAB. Selon elle, l'avenue de la Banque des femmes entraînera leur autonomisation socio-économique. Désolé, l'élément n'est pas encore là, mais ce n'est que partie remise. Rendez-vous dans nos éditions de la soirée. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal, qui a été mis en onde par Séraphine Hakizimana, au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi. Au revoir.